Chanson d'Alfred de Musset, enregistrée pour LibriVox.org par Ezoa, en Belgique, en janvier 2011. J'ai dit à mon cœur, à mon faible cœur, n'est-ce point assez d'aimer sa maîtresse? Et ne vois-tu pas que changer sans cesse, c'est perdre en désir le temps du bonheur? Il m'a répondu: ce n'est point assez, ce n'est point assez d'aimer sa maîtresse. Et ne vois-tu pas que changer sans cesse nous rend doux et chers les plaisirs passés? J'ai dit à mon cœur, à mon faible cœur, n'est-ce point assez de tant de tristesse? Et ne vois-tu pas que changer sans cesse, c'est à chaque pas trouver la douleur? Il m'a répondu: ce n'est point assez, ce n'est point assez de tant de tristesse. Et ne vois-tu pas que changer sans cesse nous rend doux et chers les chagrins passés? Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.